Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 5, colonne 1. Springfield, Massachusetts. Frank Daniels, serre-frein sur le chemin de fer Boston et Albany, est tombé sous un train à Westfield mardi matin et a été littéralement moulu. Il était serre-frein depuis 2 semaines seulement. Le gouverneur Butler a été invité à assister à l'exposition du bétail à Chicopee, et l'on croit qu'il s'y rendra pour assister en même temps à la convention d'État à Holyoke. Il sera l'hôte du colonel Woodworth. La chaussée que G.H. Southworth de Chicopee est à construire au Birchams Bend donnera une force de 1200 chevaux, soit pour une douzaine de manufactures. M. Southworth vendra probablement une partie de ses droits à ce pouvoir d'eau, car il peut s'en passer pour la manufacture de papier qu'il a l'intention de construire. Madame D.W. Turber, qui avait été envoyée à l'asile des aliénés à Northampton, après avoir attenté à la vie de son mari en mai dernier, a reparu lundi en cette cité et a envoyé un billet à son mari pour lui demander qu'il aille la voir à la chambre 25, Exchange Hotel. Quand M. Turber fut arrivé, et après l'échange de quelques paroles, la femme porta vivement à ses lèvres une fiole de laudanum et prétendit en avoir avalé le contenu. Le médecin fut appelé pour faire le nécessaire. La direction de l'asile de Northampton a reconnu que cette femme n'était pas atteinte d'aliénation mentale et c'est pourquoi il a été enfermé en prison jusqu'au mois de décembre en attendant son jugement pour attentat à la vie de son mari. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.